Chapitre 2e. La ferme des Junoux, à laquelle on parvenait en empruntant la route du Grand Saint-Jean, était composée d'un corps de bâtiment à un étage, flanqué du côté droit par une vaste grange qui avait servi jadis à entreposer les engins de labour, et du côté gauche par une aile pratiquement en ruine, cachée par des échafaudages sur lesquels s'affairaient des maçons. Au milieu de la cour ainsi délimitée, les poings sur les hanches, le menton agressif, la casquette en arrière, un homme d'âge mûr attendait Volpi et Michaud, un sourire narquois sur les lèvres. « C'est pourquoi ? » demanda-t-il avec un coup de menton. « Police !» répondit Volpi en sortant sa carte. « Le permis de construire est affiché sur le portail et ici tout le monde est en règle, » dit l'homme d'un ton cassant, en désignant du regard les ouvriers. Volpi négligea les propos de l'homme et continua. « Vous êtes monsieur Ginoux ? » ?»« Ouais. Et alors ? » ?»« Il y a aussi mon frère qui s'appelle Ginoux, Tonin Ginoux. Moi, c'est Victor. Alors, qu'est-ce que vous voulez ?» Le corps sans vie d'une jeune fille a été découvert près d'ici, près de la voie ferrée. Il s'agit de la petite Marie Morel. Vous la connaissiez ? Non. Inconnue au bataillon. Et les Morel, vous les connaissez ? Non plus. Moi, je suis ici depuis un peu plus d'un an seulement. Je ne connais pas tous les gens du coin. L'un d'entre vous aurait-il vu quelque chose ce matin de bonne heure ou hier au soir ? Questionna Michaud. Non, répondit l'homme d'un ton catégorique. Volpi commença à tripoter nerveusement les clés dans sa poche. Ce petit père commença sérieusement à lui échauffer les kiwis, avec sa casquette en arrière et son air fierrot. Ses yeux très pâles, entre des paupières fripées, lui donnaient un regard de serpent. « Vous n'étiez pas au courant de cette mort, alors comment pouvez-vous être sûr que personne n'a rien vu ?»« Parce que s'il s'était passé quelque chose, on me l'aurait dit, tiens, c'te bonne blague !»« Si je comprends bien, avança Michaud, vous êtes Dieu le père ici, tout le monde vous dit tout. »« Allez !» coupa Volpi, arrêtez vos galéjades. On a autre chose à faire qu'à jouer au poker menteur. Demandez à vos ouvriers s'ils ont vu quelque chose. » Mécontent, Victor Ginoux ramena sa casquette sur le front et se dirigea vers l'aile en réflexion. Avant de s'adresser aux hommes, il se retourna vers Volpi. « Ils viennent tous du Piémont, de Paesana. Ils ne parlent pas un mot de français, je vous préviens. Je vais leur demander. » Puis il s'adressa aux hommes. « Non si occupate di questi due. Continuate elaborare. E non dite niente. Compreso ?» Les hommes répondirent par des « no, no », d'autres par des « si, si ». Ginoux se retourna vers Volpi. « Non, ils n'ont rien vu, » affirma-t-il. Volpi écrasa son mégot d'un soulier rageur et prit l'homme qu'il dépassait de plus d'une tête par le bras en l'attirant à lui. « J'ai horreur qu'on se foute de moi, Gary. Tu le comprends, ça ?» rugit-il en secouant Ginoux. Et sans autre explication, il s'adressa au maçon en italien avec un accent génois. « Cet abruti vous a dit de ne vous occuper de rien. » Mais il ne savait pas que je suis du même pays que vous. Mon père était maçon lui aussi, mais il est mort en tombant d'un échafaudage. Faites gaffe, si vous ne voulez pas terminer comme lui. » Volpi fit une pause pour laisser au gars le temps d'assimiler ses paroles, puis il reprit. « Une fille est morte ce matin, pas loin d'ici. Ça aurait pu être votre fille, votre sœur ou même votre femme. Venez, regardez si vous l'avez déjà vue, » dit-il en montrant la photo. Les maçons descendirent de l'échafaudage et vinrent regarder la photo. Tous les cinq secouèrent négativement la tête. « Vous n'avez rien vu ce matin, de bonne heure, ou hier soir ?» Devant la réponse négative de ses compagnons, le chef crut bon de donner à Volpi au moins une explication. « Vous savez, » dit-il en italien, « ici on bosse comme des forçats. Travailler, manger, dormir, c'est tout ce qu'on fait. On ne sort pratiquement jamais de cette baraque. Plutôt on a fini, plutôt on rentre au pays. » Et puis avec ce stronzo, en parlant de Ginoux, c'est vraiment pas les vacances ici. Mais si jamais on apprend quelque chose sur cette pauvre gosse, je vous promets qu'on vous le dira. Pas vrai, les gars ? Celle aussi, répondirent les autres, en chœur. Merci, dit Volpi en tapant sur l'épaule du maçon. Puis il se rapprocha de Ginoux, qui avait à peu près compris le dialogue des deux hommes, surtout le stronzo, c'est-à-dire connard, à son endroit. Quant à vous, vous allez regretter de m'avoir connu, dit-il d'un ton glacial. Ciao, fit-il à l'adresse des maçons. Ciao, ciao, répondirent-ils avec des gestes amicaux. Volpi amena Ginoux à l'écart et se pencha pour lui parler tout près de son visage de serpent. « Maintenant vous allez faire venir tous ceux qui habitent la maison, sans exception, compris ?»« Mais ils travaillent !» s'étonna Ginoux. « Je m'en fous. Maintenant, j'ai dit !» L'homme se rendit près de la porte d'entrée du bâtiment principal, où était suspendue une antique cloche. Il la fit sonner pendant quelques secondes à grande volée. « C'est le signe de ralliement, expliqua-t-il. Effectivement, presque aussitôt, deux femmes sortirent de la grange. Un homme passa sous les échafaudages de l'aile en travaux, et bientôt deux autres d'une trentaine d'années à la peau bronzée surgirent de derrière la grange. « Voilà, » dit Ginou, « tout le monde est là. » Volpi se présenta et les invita à s'approcher pour leur expliquer la présence de la police. La photo les laissa sans réaction. Puis il exigea que chacun déclinât son identité. Les deux policiers apprirent ainsi que la grande femme, qui ne devait pas avoir plus de 30 ans, assez jolie mais un peu négligée, était Magali, la fille de Tonin, un grand sifflet, pas très futé en apparence, juste la cinquantaine. Les deux autres hommes, Vasilika et Dragos, qui se ressemblaient comme deux frères, étaient des Roumains que Victor Ginou avait amenés dans ses bagages. Il y avait également une Grecque superbe, Ileana, brune, à l'allure aguichante, défiant Volpi du regard. On sentait qu'elle avait l'habitude du contact masculin et qu'elle savait y faire. Volpi remontra la photo. « Vous ne la connaissez pas ? Vous ne l'avez jamais vue ? Pourtant, elle n'habitait pas loin. » Devant leur visage fermé, Volpi reprit. « Moins vous en dites, et plus longtemps on vous interrogera. » Victor Ginou n'aimait pas qu'on fît la loi à sa place sur ses terres. On perdait du temps et de l'argent. Il s'interposa entre le groupe et les policiers et laissa éclater sa colère. « Alors il suffit qu'une gamine qu'on n'a jamais vue ni d'Ève ni d'Adam meure dans le coin pour qu'on devienne tous suspects. Il n'y a que nous comme habitants dans le coin. Je vous le demande, pourquoi venir nous emmerder? On a du boulot, nous. » Volpi le dévisageait d'un air narquois, espérant que Victor allait commettre un outrage à un fonctionnaire de police. « Foutez le camp et laissez-nous travailler !» hurla Ginou. « Allez travailler, on ne vous en empêche pas, mais nous allons rester encore un peu. » Les uns et les autres ne savaient que faire et jetaient des regards inquiets à Victor. Celui-ci frappa dans ses mains. « Allez-vous, au boulot, vous avez compris ?» Chacun retourna à sa tâche, sans être bien certain que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Volpi les laissa s'éloigner et s'adressa à Victor. « Vous aussi, vous pouvez partir, on n'a pas besoin de vous. »« De Dieu !» bougonna Victor en crachant par terre. « C'est pas possible, ça !» Mais il rentra tout de même dans le bâtiment principal. À ce moment, une déesse grise fit son entrée dans la cour, entrée d'autant plus remarquée que le pot d'échappement devait être un peu mité. Un jeune homme en descendit, d'une élégance un rien décalée pour employer un euphémisme. Il portait une chemise sans de bœuf au col très montant, un pantalon et des mocassins d'un blanc immaculé, une ceinture de cuir doré. Il était paré de gourmettes, colliers, chevalières, et sa chevelure était un casque noir que la laque protégeait du mistral. « Hola, vous autres ! Il est arrivé quelque chose de phénoménal ! Magali, viens voir !» Magali sortit de sa grange pendant que Volpi et Michaud se rapprochaient du nouveau venu. « Oh, Valentin, tu ne travailles pas aujourd'hui ?»« Tu sais pas quoi ? La fille des Morel a été retrouvée morte près de la coquillade. Mon Dieu Seigneur, tu te rends compte ? Oh bon, ça me fait plein de frissons. » « Mais oui, on le sait, feignasse, que la petite Morel est morte. Et il y a même la police qui est là. » Valentin se tourna vers les deux policiers que Magali désignait. Volpi s'approcha. « Vous êtes commissaire ?» demanda Valentin tout excité. « Mon Dieu, vous êtes jeune pour un commissaire. Et vous, qui êtes-vous » « Valentin, Valentin Mas, monsieur le commissaire. J'habite pas loin. Oh pauvre, cette affaire m'a tout retourné. » Volpi et Michaud détaillaient le jeune homme. Il s'était déjà fait une idée de la personnalité du garçon, mais il était bon d'en savoir un peu plus sur lui. Il n'était pas laid, et on pouvait même dire qu'il avait un petit quelque chose. Mais son exubérance et ses manières sentaient la poulette affolée. Volpi lui demanda ce qu'il faisait dans la vie. « Je suis coiffeur, commissaire. Rue Jacques de la Roque. Presque tout Aix me connaît. »« Tu m'étonnes, » soliloqua Volpi. « Et vous gagnez à être connu, Valentin ?» ironisa Michaud. Ce fut Magali qui répondit, se retenant pour ne pas éclater de rire. « Valentin est un excellent coiffeur, toujours prêt à rendre service à ses clientes qu'il adore. Moi, je le connais depuis la maternelle et il a toujours été... enfin, comme ça, quoi. »« Oui, je vois, » murmura Volpi. « Et dites-moi, Valentin, vous arrive-t-il de maquiller aussi vos clientes ?»« Pardi, beaucoup se font maquiller, je leur fais aussi des soins du visage. Les autres, je leur donne des conseils. Ah, si vous saviez... La plupart se maquillent comme des poissonnières, tout le contraire de ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est bien connu, les femmes en général ne savent pas se maquiller. « Je vous laisse seul juge, Valentin, » plaisanta Volpi. « Vous connaissez la victime ?»« Marie, bah oui, mais ce n'est pas parce qu'elle venait dans mon salon. Elle se coiffait comme l'as de pique et ne se maquillait jamais. Je la rencontrai dans le car. Oui, je le prends comme ma vieille Titine ne veut pas démarrer. Titine, c'est ma déesse. » « J'avais compris. » Pourtant, Marie était maquillée. Très maquillée, même, quand on l'a trouvée. Je sais. Je l'ai vue juste quand on l'emportait. Je suis sûr que ce n'est pas elle qui s'était maquillée. C'était le travail d'un vrai professionnel. Un professionnel comme vous, par exemple? Oui, exactement, se rengorgea Valentin. Magali crut bon d'intervenir. Allez-vous, Valentin, on travaille, nous. Rababeu, va voir ailleurs. Valentin tint serré la pince aux deux policiers avec affectation. « Bientôt, peut-être » dit-il avec un sourire charmeur. Magali profita de son départ pour donner quelques informations sur le personnage. Encore sous le choc, les deux compères apprirent ainsi qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Valentin n'était pas homosexuel et avait une vie amoureuse un peu particulière. Peu attiré par les midinettes, il préférait se dépenser avec quelques clients d'un certain âge, ou d'un âge certain, ce qui en plus arrondissait ses fins de mois. Il charmait ses pratiques en les saoulant littéralement de paroles, si bien qu'entre la chaleur du casque, l'odeur des produits et le babillage du merlan, les pauvres avaient quelquefois du mal à retrouver la sortie, après s'être fait cloquer quelques soins ou crèmes inutiles. Il s'habillait toujours comme un chanteur ou une star de ciné, et c'est pourquoi beaucoup de gens le reconnaissaient. Mais son professionnalisme ne supportait pas la critique. Il lui arrive de se faire la main sur certaines de ses clientes? Non, sauf quand il prépare un concours. Mais dans ce cas, la fille est prévenue et consentante. Resté seul avec Michaud, Volpi jeta un coup d'œil circulaire, les mains dans les poches. Il avait beau avoir habité une ferme pendant quelques mois, non loin de là d'ailleurs, il ne connaissait rien au travail des champs, en bon enfant des villes. Il décida de s'intéresser à ce que pouvaient bien faire ces gens. « Bon, Serge, toi, tu vas derrière les bâtiments pour voir ce que farfouillent les deux Roumains, et moi, je vais parler un peu aux deux filles sous la grange. On se donne une demi-heure, ok ?»« On peut changer, si tu veux. Je vais voir les filles. Allez, Bouleg, je le dirai à Sylvia que tu reluques les femmes. » Depuis quelque temps, Michaud filait le parfait amour avec Sylvia dans la ferme que Volpi avait achetée avec elle près de Roigne. Sylvia venait d'être quittée par son mari, et Volpi se remettait difficilement de son deuil. Tous deux avaient uni leur chagrin loin des bruits de la ville en achetant une ferme à restaurer. Puis, lorsque Michaud était tombé amoureux de Sylvia, Volpi lui avait laissé la place et pris un petit deux pièces dans le bas de la rue Esparia. Tout ceci s'était fait sans heurts ni disputes, dans l'amitié et l'harmonie les plus totales. Pendant que Volpi se dirigeait vers la grange, Tonin entra à son tour dans la ferme. Une vigoureuse engueulade opposa les deux frères. Ce fut Tonin qui attaqua. Ça t'a avancé de quoi de faire le fier avec le flic? C'est vraiment pas malin. Maintenant, on va les avoir sur le dos pendant 30 ans. Et alors, tu as quelque chose à cacher? Non, justement pas. Ce n'est pas une raison pour faire les couillons. Je te signale que ce que tu veux faire, c'est du commerce, avec des clients qui font marcher le bouche à bouche. Ça suppose une réputation. Quand nous sommes catalogués dans tout le pays comme des violeurs et des caracs, je crois pas que ça marchera tant que ça, ta jardinerie. Oh, tu m'emmerdes avec tes préjugés. Ce type a compris que je n'aimais pas qu'on vienne faire la loi chez moi. Chez toi, c'est aussi chez moi, ne l'oublie pas. Sur ce, Tonin tourna les talons et claqua violemment la porte. Merde, la porte ! Gueula Victor. Fais chier ! Bougonna Tonin en s'éloignant. Volpi retrouva Magali et Ileana installées derrière une vaste table sur laquelle, d'un côté, s'alignait toute une file de bouteilles vides en verre blanc. Qu'est-ce que vous faites ? Demanda Volpi, curieux. « Nous faisons des boutures de laurier, » répondit Magali. « Vous voulez nous aider ?» dit Eleana d'un air ingénu. « Regardez, c'est facile. Vous coupez la branche ici, vous fendez le bout de la tige, vous enlevez quelques feuilles, vous remplissez la bouteille d'eau et vous plongez la branche dedans. C'est pas difficile, non ?»« Effectivement, ça m'a l'air simple. Mais qu'est-ce que ça donne après ?» Magali partit d'un rire franc. « Eh ben, on peut dire que vous n'y connaissez vraiment pas grand-chose aux boutures, vous. » Elle lui expliqua qu'au bout de plusieurs semaines, des petites racines se formaient le long de la tige. Ensuite, il suffisait de replanter la tige dans un peu de terreau et d'attendre qu'elle grandisse. « Fan !» s'écria Volpi. « Avoir le nombre de bouteilles, vous allez en mettre partout dans la propriété. Mais non, c'est pour les vendre. Tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, c'est autant de gagner. On vendra des lauriers roses, des blancs, des rouges. » Volpi sentit que l'espèce d'intimité qui régnait désormais était peut-être propice à une plus grande franchise de la part des deux femmes sur le meurtre de Marie Morel. Il ressortit la photo. « Alors, franchement, vous ne la connaissez pas ? Magali, regardez bien. » La fille regarda attentivement la photo puis finit par dire « Oui, je la connais. Disons que je l'ai croisé quelquefois dans le car, ou peut-être à Puy-Ricard. Mais je ne savais même pas son nom. C'est une gamine. Vous vous souvenez comment elle s'habillait? Enfin, je veux dire, le genre qu'elle avait? Comme tout le monde, rien de remarquable. Ce n'était pas une aguicheuse, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Je n'ai jamais remarqué si elle était jolie ou moche. Là, sur la photo, on voit qu'elle était mignonne, finalement. Ce n'était pas grand-chose, mais déjà, l'avis de Magali venait corroborer les dires de Madame Morel concernant sa fille. Et les Morel, vous les connaissez? Non. Vous savez, je ne sors pas souvent. De temps en temps, je descends à Aix-en-Car. Je vais chercher le pain en vélo à Puy-Ricard deux fois par semaine, et puis c'est tout. Quand on ne voit pas les gens, on n'a pas besoin de connaître leur nom. À ce moment, Tonagino pénétra dans la grange en s'essuyant les mains sur son pantalon. « Combien vous en avez fait ? » demanda-t-il. « 200. C'est bon, non ? » ?»« Ouais. Il faut maintenant préparer les semis de tomates. Je vais vous chercher un sac de terreau avec la brouette. « Excusez, commissaire, je ne vous avais pas remarqué. »« Je viens avec vous, » dit Volpi. Profitant d'être seul avec le cadet des Ginoux, Volpi lui demanda ce qui se préparait dans la ferme et ce qu'ils allaient faire dans le bâtiment en réfection. « Nous allons nous installer comme pépiniéristes. C'est une idée de mon frère Victor. »« Et avant, je suppose que vous deviez faire autre chose ?»« Non, rien. Quelques légumes, des poules, un cochon, quelques lapins, c'est tout. À deux, avec ma fille, on ne pouvait pas faire grand-chose. » Volpi détailla l'homme avec un peu plus d'attention. Grand, les épaules un peu voûtées, il donnait l'impression d'avoir traîné le malheur depuis sa plus tendre enfance et de s'y être résigné. « Votre femme est partie ?» se hasarda Volpi. « Non, elle est morte, » répondit-il d'un ton neutre. « La mienne aussi, » répondit Volpi. « Alors vous savez ce que c'est ? Il y a longtemps, une dizaine d'années. Vous n'avez pas cherché à vous remarier ?» Tonin posa sa brouette et se tourna vers Volpi. « Franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'une femme vienne foutre dans une baraque pareille avec un calus comme moi ?» Volpi ne trouva pas les mots pour consoler l'amertume de cet homme, qui devait porter sa croix depuis des années. Il se contenta de le suivre quand il reprit sa brouette. « Vous avez donc vécu seul avec votre fille depuis la mort de votre femme ?»« Vous comprenez vite, vous !» repartit Tonin d'un ton sarcastique. « J'ai laissé le bien partir en bibrine, j'ai fait ce que j'ai pu. »« Mais votre fille ?» suggéra Volpi. « Ma fille, elle est trop difficile, voilà. Il lui faudrait Alain Delon ou Belmondo. Ah, je vous jure, si j'avais un gendre, au moins j'aurais pu faire quelque chose. »« Mais il faut de l'argent pour faire tous ces travaux, » dit Volpi en montrant les échafaudages. « D'où vient le pognon, alors ?»« C'est mon frère qui a le pognon, moi je n'ai rien. C'est pour ça qu'il joue les caïdes. » Volpi réfléchit quelques secondes, puis se risqua à poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Mais pourquoi votre frère a mis autant de temps à transformer la ferme ?» Ou, ça, c'est une vieille histoire.